Bonjour à toi, téléauditeur, ici le Damien Bourges, numéro 4 et 5. Donc oui, normalement aujourd'hui je devais faire un petit épisode pour conclure ce printemps de Bourges. Et hier j'ai fait un enregistrement mais j'étais assez insatisfait. En fait je bougonnais un peu sur le fait que les Inuits c'était principalement pour les professionnels et que en tant que blogueur ou en tant que grand public, excuse-moi, je vais manger un peu parce que je suis debout depuis 7h et il est à peu près 10h, j'ai toujours pas mangé. Je disais donc que les Inuits c'est un petit peu pour les professionnels et pour le grand public en fait, ça sert pratiquement à rien. Sauf les fans de la plus grande de la première heure. Tout simplement parce que les personnes qui sont sur place, elles font vraiment le job pour les salles de concert. Et voilà, les salles de concert. Et du coup, il y a un gros problème. C'est que l'utilisateur final des disques n'a pas vraiment un grand intérêt. Et c'est un peu dommage, quoi. Tu viens pour découvrir de la musique, des artistes, mais tu en as d'autres qui sont en catimini, qui essayent de négocier leurs disques avec des tourneurs. Et ça profite pas vraiment au grand public. Ok, le Printemps de Bourges, c'est pas vraiment aussi destiné au grand public. Premier festival de l'année, ou presque, ouais. Donc forcément, il y a une petite attente derrière pour les années pour la saison culturelle qui est juste derrière. Donc voilà, j'ai bougonné un petit peu là-dessus. J'ai trouvé les concerts d'hier après-midi très navrants, sauf une personne, Lior Chouve, qui là m'a bluffé. Mais sinon pour les autres, Gontard ça allait. Je vais pas dire que c'était décevant, mais ça allait. Radio Elvis, déjà je venais pour eux et j'étais totalement déçu. Aucune prise de risque, ils ont récité leur EP, aucune interaction avec le public. Il y a aussi Lutica, bon c'est pas mon style de musique. C'est un peu chiant, mais vu qu'ils sont nombreux sur scène, le gars il t'emmène dans son univers, ça va à peu près. Mais voilà. Donc aujourd'hui on est le 30 avril. Et non le 30 août comme je voulais te le dire. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment le jour où je repars dans ma Nièvre natale. Après 3 jours, 3 jours assez douloureux. Au pays du Berry. Au pays au pluriel, hein, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul Berry. Comme il n'y a pas qu'un seul Nivernais. Je parle en termes de pays et en termes de lieu. Donc voilà. Donc à chaque fois que je vais à Bourges, j'ai un petit rituel, c'est les petits déjeuners ou les repas pâte à pain. Je sais plus si je t'en ai parlé, sinon c'est dommage. Mais pâte à pain, c'est le fast-food local et boulanger du centre de la France. C'est basé à Bourges. Et je crois qu'il y en a, ça rayonne un petit peu partout dans le centre, jusqu'à Clermont. Jusqu'à Clermont, je crois, et Orléans pour le nord. Et best en ouest, ça je pourrais pas vraiment te le dire. Et l'an dernier, ils étaient en travaux. Parce qu'ils ont développé pour leurs 30 ans un tout nouveau concept de magasin. Et ma foi, c'est pour ce magasin, pour ce vaisseau amiral, il est pas mal réussi. On est bien dans les tons de gris, de mauve, de vert. Qu'ils insufflent. Et puis il y a des dessins qui rappellent fortement Le Petit Prince, d'ailleurs une citation qui est au premier étage, au sol d'ailleurs, si je puis dire. Il n'y a qu'un intersol. D'ailleurs c'est de là où j'enregistre. Désolé pour la qualité de son. Mais ouais, c'est assez simple, c'est assez coloré. Pas trop chargé comparé à avant. Là, on est vraiment sur un aspect sobre et design. Voilà, voilà. Sinon, le concert d'hier soir, c'était aussi une tuerie. Le concert, enfin, le printemps de Bourges s'est terminé sur Christine and the Queen. J'ai partagé tout le concert avec Ludovic Café Charmant, le directeur de la salle. Pour ceux qui ne connaissent pas le Café Charmant, comment l'expliquer simplement? En fait, c'est un lieu hybride. Pour moi, c'est maintenant, je m'y sens tellement bien, c'est comme une seconde maison. C'est ma maison de la culture. C'est là où je rencontre un peu de monde. Je me sens bien, il n'y a pas trop de monde parce que c'est une salle qui est assez intimiste. Et il y a quand même des scènes, il y a quand même des artistes qui s'y passent. Voilà. C'est vraiment c'est une salle de concert sans être vraiment totalement une salle de concert. Parce qu'ils ont le statut de café associatif. Pour pouvoir justement vendre des boissons alcoolisées. Lors des concerts. Sinon ça marche pas. Hein. Faut une licence et faut des personnes après qualifiées derrière. Ce qui représente encore des coûts. Alors, si je peux vous donner un petit conseil. Le thé menthe citron de chez Monin, qui se trouve à la pâte à pain, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je pense que c'est simplement pour l'été, enfin printemps-été, qui vont le faire. Mais je pense que c'est une tuerie. Je sais pas où je pourrais en acheter. Voilà. Bon, ça fait 9 minutes d'enregistrement. Je pense que c'est pas mal, non? Bilan de ce printemps de Bourges, assez mitigé. Je trouve que c'est de plus en plus décevant. Là, c'était le dernier printemps de Daniel Colling, le fondateur du printemps de Bourges, après 40 ans d'existence. Hein? Et du coup, ça va être quelque chose d'autre, je pense. On a déjà les dates, c'est du 11 avril au 17 avril. Là, ça tombe vraiment en semaine. Alors que là, ça tombait en milieu de semaine, fin, début. C'était aussi chiant parce que là, mercredi, il n'y avait pratiquement personne, mis à part le soir pour Christiane Ndoukouré. Et ouais, ça se sentait, tout le monde était déjà dans les cartons. Et du coup, c'était une mauvaise ambiance. Donc voilà, et puis niveau des Inuits, il n'y a pas vraiment de pépites. Si je me suis fait un petit kiff, c'était lors de Rouge Congo. Sur Twitter, j'avais dit Rouge Congo, c'est un peu du Michel Sardou. Autant béni des coloris. Voilà pour la petite référence à Autant béni des colonies. Faut savoir que ce matin, je me suis levé, il était 7h. 7h24 pour être précis. Et jusqu'à... jusqu'à 9h. Ouais, ça en fait des choses. J'étais dans mes affaires. J'ai rangé, j'ai empaqueté ma tente. C'est ça qui m'a pris sans doute le plus du temps. Essayer d'encastrer tous mes éléments ensemble. Je suis peut-être chargé comme une mule, mais là au moins je me fais un petit peu moins mal. J'ai retrouvé une anse, ce qui est pas mal. Et du coup, ben, je suis content, j'ai moins mal. Je me suis pris de sorte à avoir moins mal pour prendre mes affaires que quand je suis arrivé à Bourges. Et ça, c'est assez satisfaisant. Je sais pas du tout ce que je prends ce midi. Tu vas me dire, oui. Dans un sens, c'est 10h. Ouais, c'est peut-être 10h, mais de 9h30 jusqu'à 10h, et je pensais pas être aussi rapide, parce que là, je suis vraiment à l'échemin et mon train est le midi et demi. Là, le plus dur à faire, c'était que de la côte. C'était que de la côte. Là, le plus gros a été fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais, j'ai de la descente et puis un peu de ligne droite. On m'a dit le plus simple, c'était de prendre un bus. Mais le prendre un bus, pour moi, ça casse un petit peu l'ambiance. Tu es là, tu découvres un petit peu la ville, même si les rues que je prends, je les connais déjà. Mais justement, le fait de circuler au milieu des gens qui remballent du printemps de Bourges, qui redéballent leurs affaires, qui remettent bien en place leurs terrasses, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et on voit un petit peu plus l'implication des gens sur cet événement. J'ai une peluche. Voilà. Elle a pratiquement tout beau, tout bien. Comme une maison témoin, comme dirait l'autre. Ouais. Donc voilà. Voilà. Bon, je crois que ça fait un petit moment que j'enregistre. Je te dis à bientôt. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye!